Répondez selon le modèle. Pourquoi tu n'as pas ta moto ? Je n'ai pas ma moto parce qu'elle est en panne. Pourquoi le directeur est-il absent ? Il est absent parce qu'il est en voyage. Pourquoi les employés ne sont-ils pas là ? Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en grève. Pourquoi le musée est-il fermé ? Il est fermé parce qu'il est en travaux. Pourquoi les enfants dorment-ils encore ? Ils dorment encore parce qu'ils sont en vacances.